un prêtre qui venait au bain pour cause d'incommodité, y trouva un valet très assidu qui l'aidait, soit à se dévêtir, lui ôter les souliers, soit lui présenter des pantoufles au sortir du bain, et l'aider à se sécher. Ravi de ses bons services, le prêtre lui apporta quelque chose pour le remercier. Et l'homme dit : « Je n'ai pas besoin de choses terrestres. Je suis un rendez mort. J'ai été envoyé ici pour achever l'expiation de mes péchés. Autrefois maître de ce lieu, je suis condamné à y rester bien longtemps, souffrant dans d'horribles peines. Si vous voulez me faire du bien, dites la messe pour moi. Et si vous ne me trouverez plus ici, vous saurez que Dieu a reçu votre sacrifice pour me soulager. » Le prêtre célèbre la messe toute la semaine pour lui. Revenu à son ordinaire pour se baigner, il ne trouva plus ce prévenant valet.